Chapitre 5. Fête de Marcia. La veuve arriva à l'abbaye un ou deux jours après le pique-nique de Lemley Hills, et encore une fois, Sir Gaspard put jouir de la vue de cette ravissante femme. Elle était dans son beau et semblait de très bonne humeur. La voiture découverte qui l'avait amenée de la station de Roxborough avait passé devant l'ermitage abandonné, et en voyant les volets fermés, Madame Harding s'était penchée en avant pour parler au domestique assis à côté du cocher. « Est-ce que Monsieur Ponsford a quitté Scarsdale ?» avait-elle demandé. « Oui, madame. »« Pour longtemps ?»« Je le crois, madame. » La chaude carnation des joues de la veuve devint plus prononcée, et un brillant éclair de triomphe illumina ses yeux d'un éclat plus vif que n'aurait pu le prendre l'emploi de la belladone. « Le jeu le plus hardi est toujours le plus sage, » pensait-elle. « J'étais à demi porté à écrire à Marcia pour lui demander s'il était toujours ici. Mais cela aurait paru singulier, et Mademoiselle Denison est très fine. Les gens calmes sont toujours intelligents. » Elle s'éveilla de sa rêverie en se trouvant au pied du grand escalier de pierre menant à la terrasse, où Sir Gaspard et sa fille attendaient son arrivée. Et un moment après, elle embrassait sa bien-aimée Marcia avec une effusion plus qu'ordinaire. « Et vous paraissez aussi très bien, ma douce favorite, » murmura-t-elle tendrement. « Ce cher Sir Gaspard paraît plus jeune que jamais. Ah, si seulement vous vouliez me dire votre secret. J'aimerais réellement à savoir comment vous faites, » ajouta-t-elle avec malice, en secouant coquettement les plumes de son éblouissant chapeau tout en s'adressant au baronnet. Il l'aimait. Hélas, pauvre faiblesse humaine, il savait qu'elle était perfide et fausse, qu'elle ressemblait aux fruits les plus amers et les plus desséchés qu'ait jamais poussé sur les bords trompeurs de la mer morte. Il savait qu'elle aurait vendu son âme pour n'importe quel prix sordide que la terre peut donner. Il connaissait les mystères superficiels de son esprit et de son cœur, presque aussi parfaitement que s'il eût su tous les secrets de sa vie, et cependant il l'aimait pour son teint et son éclat, pour la beauté remarquable de sa figure, pour les lignes harmonieuses de son corps. Il l'aimait comme on aime un magnifique oiseau des tropiques qu'on caresse d'une main, sachant qu'à tout instant son bec cruel peut fondre sur les doigts qui le flattent. Dès l'heure de l'arrivée de la veuve, Martial lui abandonna sa place de compagne de son père. Il défit qui aurait usé de la patiente diplomatie d'un Talleyrand femelle contre une intruse telle que Madame Harding. Mais Mademoiselle Denison était tout à fait incapable de défendre sa position, par quoi que ce fût ressemblant à de la ruse. De même qu'elle s'était résignée à rester à l'écart, négligée et oubliée dans son enfance, tandis que son père accordait tout son amour à une plus brillante rivale. De même, elle se résignait maintenant à le laisser, si cela lui faisait plaisir, reporter ses sentiments superficiels et son cœur vide sur cette belle étrangère audacieuse. Pour son propre salut, elle regrettait sa prédilection pour la veuve, et se préparait à lui faire des remontrances sur sa folie, si elle pouvait trouver occasion de le faire sans outrepasser les limites de son respect comme fille. Pour elle, ah, combien ses intérêts et ses affections étaient submergés par le torrent de la seule passion de son existence. Elle pouvait penser à se séparer de son père avec angoisse. Elle pouvait se résigner à un avenir solitaire et désolé sans verser une larme. Tous ses petits chagrins étaient absorbés dans la grande douleur de sa vie, comme toutes ses petites affections se perdaient dans son immense amour. Il pouvait ressentir tout cela, et cependant supporter l'existence, et prendre place chaque matin à la table du déjeuner, et s'occuper de tous les simples soucis domestiques, sans jamais laisser la fontaine à thé inonder la nappe ou mettre un morceau de sucre superflu dans la tasse de son père. Assurément, il y a quelque chose d'héroïque à endurer tranquillement ces martyrs de salon, dont les stigmates sont cachés sous la batiste et la dentelle, et dont les patients sourient avec des sourires de convention et causent de sujets ordinaires, tandis que leurs blessures sont encore toutes saignantes. Combien de matinées Marcia avait-elle discuté l'aspect du ciel et le contenu de la boîte aux lettres avec le même intérêt poli dans sa conversation avec son père, tandis que son esprit était rempli du souvenir de quelques rêves dans lesquels elle l'avait vu lui, malade ou blessé, en danger ou mourant, tandis qu'une influence invisible l'avait tenu sous son charme et rendu incapable de le secourir. Et maintenant que la veuve était revenue, La pauvre Marcia avait enduré la longue torture d'une compagne vive et animée, et le regard scrutateur d'yeux qui avaient pris leur grade dans toutes les écoles où l'on enseigne la sagesse mondaine. Elle peut s'insinuer dans la confiance de son père et mettre en jeu les plus faibles côtés de son caractère. Mais elle ne parviendra jamais à lire mes secrets, ni à insulter à mon chagrin par une sympathie menteuse. Pensez, mademoiselle Denison, après avoir résisté à une des attaques les plus ardentes et les mieux conçues de la veuve. Elle déroutait complètement madame Harding. Blanche, avec toutes ses effusions, ne pouvait rien tirer de cette femme froide et fière, qui se tenait toujours sur ses gardes avec une froide politesse. Avait-elle une ennemie dans Marcia? Une ennemie qui pouvait intervenir dans ses projets et les frustrer? Ou l'orgueil apparent de cette fille ne cachait-il point un grand chagrin? C'était une question que Madame Harding ne pouvait résoudre. Mais elle se fût sentie beaucoup plus à l'aise si la fille de Sir Gaspard eût été une toute autre personne. Elle était préparée à rencontrer de l'opposition dans la voie qu'elle suivait, pour obtenir le prix qu'elle s'était proposé. Elle était préparée à jouer le jeu ordinaire d'échec contre échec et contrecarrer les desseins des faiseurs de projets. Mais la force d'inertie d'une personne, dont les manières sont hostiles et l'action nulle, n'est pas très aisée à neutraliser. Si Mademoiselle Denison avait paru affectueuse, la veuve aurait été heureuse. Mais cette dame était trop versée dans l'expression des figures et dans le son des voix pour ne pas savoir que Mademoiselle Denison la détestait. Sachant cela, elle aurait préféré que Marcia montrât ouvertement son antagonisme, et elle aurait livré bataille pour obtenir ce qu'elle convoitait. Les manières de Marcia la déroutaient, et au moment où elle était la plus séduisante et la plus brillante, quand elle rougissait, était triomphante à la pensée d'avoir resserré les fils de son ténébreux réseau autour de sa victime, la frayeur de la fille de Sir Gaspard faisait courir un frisson glacial dans son cœur perfide. Il devenait pâle et malade par la crainte que quelque coup écrasant ne vînt à tomber de cette main qui avait été si longtemps inactive, comme si elle eût gardé toute sa force pour le coup fatal. « Elle sait quelque chose sur moi, » pensait cette femme, lorsqu'elle observait les manières glaciales de Marcia. Il lui a dit naturellement pas toute la vérité, mais assez pour me perdre. Il lui aura dit probablement bien des choses avant de s'en aller, car je sais qu'il est devenu amoureux de sa pâle figure et de ses grandes manières. Et quoi qu'il pose pour l'héroïsme, je suppose qu'à la fin il l'aura mis de côté. Et Martial gardera son secret jusqu'au moment où elle verra que son père est prêt à faire de moi Lady Denison. Et alors elle s'avancera et me dénoncera. Elle me paraît tout à fait l'espèce de femme qui doit agir ainsi. La veuve, debout près de la fenêtre de sa chambre à coucher éclairée par la lune, avec ses longs cheveux noirs tombant en lignes onduleuses comme un serpent sur sa robe blanche, paraissait tout à fait l'espèce de femme capable de faire une de ces mauvaises actions qui sont presque toujours commises par des mains féminines, sans le regretter après. Elle avait détesté Marcia, dès le premier moment de leur connaissance, avec cette aversion instinctive que les méchantes femmes éprouvent généralement pour les bonnes, mais sa haine était devenue récemment meurtrière, depuis qu'elle avait conçu l'idée que Marcia était capable de bouleverser tous ses plans à l'heure même de son triomphe. Bien les grandes méprises de l'existence viennent de ce que généralement les gens jugent la conduite et les projets des autres sur la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. Madame Harding était une si complète faiseuse de projets qu'elle ne pouvait voir, dans l'apparente neutralité de Marcia, que l'adresse d'un profond et calme diplomate. Elle croyait que la fille de Sir Gaspard restait près d'elle et lui laissait tendre ses filets, préparer ses nœuds coulants délicats, orner de plumes ses délicates lignes et pêcher comme elle l'aimait ses plus gros poissons ou poser les pièges qu'elle réservait pour ses oiseaux au plumage doré, et elle ne pouvait pas s'imaginer que la jeune fille était simplement trop noble et trop orgueilleuse pour s'abaisser à intervenir à la dérobée. Plus Marcia restait à l'écart, et plus la croyance de la veuve devenait plus profonde qu'elle aurait le pouvoir de renverser tous ses projets en Espagne. Elle s'imaginait que Marcia faisait ce qu'elle eût été heureuse de faire elle-même, qu'elle se blottirait comme un chat jusqu'à l'élan fatal. Dans un poème de ces derniers temps, un poème qui ressemble à une des esquisses que Lanzer fait à l'encre et que le grand peintre d'animaux aurait bien pu choisir comme sujet pour exercer ses merveilleux pinceaux. On suppose que Cléopâtre a commencé sa vie comme tigresse, folâtrant sur le sable jaune d'un rivage vierge et rôdant dans les profondeurs non frayées d'une forêt primitive. Il aurait été facile à quelqu'un qui eût étudié Madame Harding d'imaginer qu'elle avait passé l'aurore de son existence sous la forme d'une chatte. Non pas un chat domestique endormi et heureux, mais un chasseur de rats aux poils mouchetés. Némrod de sombres égouts et d'infectes labyrinthes souterrains, un destructeur rôdant furtivement, un monstre aux yeux verts, dévorant sans pitié de villes et dégoûtant de proie. C'était l'habitude à Scarsdale de donner quelques divertissements aux enfants de l'école voisine chaque été ou chaque automne, que la famille fût à l'abbaye ou n'y fût pas. L'époque ordinaire de cette petite fête était passée, car Marcia avait été si abattue de corps et d'esprit après l'entrevue pendant l'orage et l'ermitage qu'elle avait différé de jour en jour l'effort qu'il fallait qu'elle fît pour organiser cette réunion. Mais elle n'aurait pas plus voulu désappointer ses jeunes pensionnaires que manquer à la promesse la plus solennelle qu'elle eût jamais faite. Et elle tint un grave conseil avec M. Sillbrook, le curé, et Mme Browning, presque aussitôt après l'arrivée de l'enchanteresse veuve. La visite de Mme Harding n'avait pas été sans profit pour Marcia, quelque désagréable que sa présence pouvait être. La société de la veuve avait agi comme une espèce d'irritant, et avait sorti la fille de Sir Gaspard de la pesante léthargie dans laquelle son esprit était tombé après le départ de Godfrey Pierrepoint. M. Sillbrook reçut l'invitation de Marcia avec ravissement et se présenta dans le salon jaune où Mlle Denison et la veuve étaient assises aussi éloignées l'une de l'autre que la politesse pouvait le permettre. Marcia était occupée à couper de chauds vêtements de laine pour ses pauvres, tandis que Dorothée, assise humblement auprès d'elle, cousait d'une main habile et vive dans laquelle l'aiguille étincelait de temps à autre au soleil comme la flamme d'une arme à feu tirée en l'air. Madame Harding avait montré un désir si exubérant d'une causerie matinale avec ses très chères Marcia que Mlle Denison avait été forcée d'apporter son panier à ouvrage dans le salon. « Mais Dorothée est habituée à travailler avec moi, » avait-elle dit, « et je ne sais pas comment je pourrais faire sans elle. » « Alors, je vous en prie, amenez Dorothée, ma bonne Marcia, » s'était écrit Madame Harding. « Assurément, vous ne pouvez pas penser que je sois si orgueilleuse pour ne pas accepter la société qui vous plaît. D'ailleurs, j'ai pris tout à fait en affection à votre petite Dorothée. Qui est-ce qui a parlé des yeux bleus surpris? Quelque poète, je pense. Les grands yeux bruns de Dorothée ont quelquefois un regard étonné qui est réellement charmant. » Ce fut ainsi que Dorothée vint s'établir dans le salon jaune, assise modestement sur un tabouret, ayant ses boucles brunes juste au niveau de la table à ouvrage de Marcia et le panier au-dessous d'elle. Et le plus absorbant pour l'âme, qui put jamais éveiller l'enthousiasme féminin, Madame Harding n'aurait pu être plus enthousiaste qu'elle ne l'était. Les chers enfants, quel bonheur de leur procurer du plaisir, et comme il est noble, la douce et chère Marcia, de prendre tant de peine pour cela, s'écria la veuve avec plus de chaleur d'expression que de profondeur de logique. Puis elle écouta ensuite, avec un air ravi, la discussion qui eut lieu entre Mlle Denison et le curé sur les arrangements à prendre pour la fête, l'heure du dîner sous une tente élevée sur le gazon, le thé improvisé dans un cercle de verdure dans le bois, un cercle que les gens du pays appellent le rond-point des fées, et près duquel il y avait un endroit champêtre où un large ruisseau gazouillait et tombait doucement en petites cascades sur des pierres moussues, puis allait se perdre parmi les fougères vigoureuses et luxuriantes. Madame Harding était charmée de tous ces arrangements, mais elle s'aventura à faire elle-même une petite proposition sous la forme de petites tentes blanches garnies de roses de batiste, dans lesquelles les enfants du village trouveraient du petit lait, des échaudés, des pains d'épices, de la crème fouettée et des tartes, enfin toutes sortes de rafraîchissements contre la bile. Les enfants ne pourraient-ils pas prendre des costumes de fantaisie? Demanda-t-elle. Quelques-uns en dryade, en amadriade, ou en ce que vous appelez les majestueux personnages classiques. Quelques autres en petit chaperon rouge, en paysan suisse, en bohémien espagnol. Ce serait très gentil, très pittoresque, et de nature à plaire à ce cher sœur Gaspard. Je serais bien heureuse de voir arriver à bien ce petit projet, car tout en étant stupidement ignorante de toutes sortes de travaux à l'aiguille, dans lesquels ma bien-aimée Marcia excelle, j'ai une espèce de talent, oserais-je dire, pour l'arrangement d'un quadrille Moyen-Âge, pour former des tableaux vivants ou quelque chose de ce genre. Et à propos de tableaux vivants, s'écrie la veuve, pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose d'approchant pour faire une surprise au cher sœur Gaspard ? Quelques jolies scènes champêtres, Rosaline et Célia, une petite série de tableaux de « Comme il vous plaira ». Si seulement M. Sillbrook voulait faire Jacques, s'écria Madame Harding en frappant ses mains l'une contre l'autre et en couvrant le curé de confusion par cette demande soudaine. Je pense que M. Sillbrook est tout à fait l'homme qui convient pour Jacques. Il a justement son expression contemplative, ajouta-t-elle, en regardant d'une manière critique le malheureux jeune homme, qui sentit son teint se changer en couleur épouvantable de homard nouvellement bouilli. Ne le pensez-vous pas actuellement, Marcia ? Mademoiselle Denison, qui avait compassion et conscience de l'embarras du timide curé, se pencha sur son ouvrage pendant qu'il murmurait qu'elle avait vu une personne qui lui représentait plus vivement le pensif exilé. Puis, après avoir poliment refusé la proposition de Madame Harding, elle continua à compléter ses projets pour le jour de la fête des enfants. « Donc, à midi, le 17, nous attendrons l'arrivée des tapissières, » dit Marcia. « Il y aura une distribution de gâteaux et de vin doux dans l'une des tentes. Après, on jouera à divers jeux dans le parc jusqu'à 2 heures. À 2 heures, le dîner, et après le dîner, on recommencera à jouer, je suppose, jusqu'à l'heure du thé. À 6 heures, je pense, nous n'aurons rien de mieux à faire que de demander le thé. Et après le thé, il sera temps pour les enfants des villages éloignés de penser à retourner au logis. » J'ai retenu la musique communale de Roxborough et écrit à quelqu'un à Londres pour une lanterne magique que l'on montrera dans la salle des domestiques qui sera préparée dans cette intention. J'enverrai un des grooms à Roxborough cet après-midi pour prendre des arrangements pour les tapissières. Et si nous arrêtons les choses avec les instituteurs, M. Sillbrook, je crois que nous aurons tout très bien arrangé. Un marmottage confus qui pouvait signifier beaucoup de choses ou rien fut la seule manière que le malheureux jeune homme put trouver pour exprimer sa profonde reconnaissance pour la bonté de Marcia. Il la regardait avec un ravissement d'amour et d'admiration, et cependant ses pâles yeux bleus n'exprimaient que la faiblesse. Son cœur tressaillait dans ses moindres replis d'une ravissante émotion en sa présence, et cependant il ne pouvait trouver la phrase la plus ordinaire sans hésiter et sans bégayer honteusement. Oh, pitié pour les malheureuses âmes qui n'ont pas la faculté de s'exprimer. Le sculpteur a son marbre, l'architecte son palais, l'écrivain ses livres, le peintre sa toile, dans lesquels ils expriment plus ou moins complètement les plus profondes convictions de leur âme. Mais combien sont dignes de compassion ces infortunées créatures que la nature a privées du plus grand pouvoir de tous ses dons, le pouvoir d'exprimer ses idées. Qu'ils lisent la pitié sur la figure de leurs compagnons et se voient méprisés par des hommes auxquels elles se savent supérieures et mises de côté par de vulgaires charlatans, malgré qu'elles possèdent des connaissances qui pourraient couvrir le charlatanisme de honte. Pitié pour les muets Milton qui meurent sans gloire, pour n'avoir pas un peu d'assurance sans laquelle le grand don de la poésie ne peut se révéler. Pour le sculpteur qui, avec le génie de Michel-Ange, fuit avec horreur et se résigne à l'oubli, désespéré par les premières moqueries d'un ignorant critique. Pitié, par-dessus tout, pour les êtres infortunés, hommes et femmes, condamnés à porter le fardeau des chagrins terrestres, et qui auraient pu être grands. Sur la liste des martyrs doivent être mis, en second lieu seulement, ceux qui ont aimé avec passion et n'ont jamais osé révéler leur amour. M. Sillbrook se leva alors pour partir. Après avoir refusé l'invitation à lunch, qui eût été pour lui un banquet servi sous l'ombrage des citronniers du paradis de Milton. Il s'avançait vers la porte, roulant désespérément son chapeau dans ses mains chaudes et nerveuses, et en murmurant des adieux inintelligibles. Mais au lieu de sonner un domestique, Marcia se leva et lui montra une des portes-fenêtres ouvertes. « Si vous voulez passer par la terrasse, Monsieur Sillbrook, je vous montrerai mes reines Marguerite de la Chine, » dit-elle. Le curé traversa la chambre d'un pas pressé, mais un peu hésitant, et quelques minutes après, il se trouva sur la terrasse debout à côté de Marcia, seul, avec elle. Et elle lui avait demandé de venir là, seule. Elle avait quelque chose à lui dire, quelque chose qui ne pouvait se dire devant cette splendide personne qui l'avait rendu si honteux dans le salon. Il sentait son cœur battre comme le marteau d'une machine, ses genoux se fondre en gelée et ses jambes se dérober sous lui. Un sang chaud lui monta à la tête et rendit ses yeux plus faibles que jamais. Un brouillard flottait devant eux. Allait-il devenir aveugle ou fou, ou peut-être les deux? Il avait un vague souvenir d'un étonnant poème d'Elizabeth Barrett Browning, appelé « La cour de Lady Geraldine », poème dans lequel une grande dame demande à un paysan né poète de devenir son mari. Il avait encore un souvenir plus obscur d'une dizaine de romans dans lesquels la beauté et la richesse s'étaient abaissées pour faire le bonheur d'un noble adorateur. Et il l'aimait si tendrement, si profondément, si entièrement. Comment pouvait-elle ignorer un amour si désintéressé, ou être assez aveugle pour ne pas voir une adoration si patiente? Elle connaissait le secret de son timide cœur, et elle était sur le point de le récompenser en descendant de sa haute position pour lui dire que son amour n'était pas sans espoir. Sylbrook avait le temps de penser tout cela, pendant que Marcia s'avançait doucement à ses côtés jusqu'au haut de la terrasse, au-dessous de laquelle brillaient les plus splendides couleurs de la nature sous la forme d'un parterre de reines marguerites. Ne sent-elle pas superbe? Demanda Marcia en désignant les fleurs. Le curé, qui avait toujours la vue courte, avait les yeux encore moins bons ce jour-là qu'à l'ordinaire. Il vit des taches confuses, de brillantes couleurs brillaient au soleil, et murmura son admiration, mais le marteau de la machine continuait toujours à battre sous son gilet clérical. Il se demandait comment Marcia allait aborder le sujet de cette intéressante entrevue. Je pensais que vous admireriez notre exposition de fleurs d'automne, dit Mademoiselle Denison, tandis qu'il descendait les larges marches qui menaient dans le symétrique jardin à l'italienne. Mais j'ai un autre motif pour vous avoir demandé de venir par ici. Le marteau battit plus furieusement que jamais, et le curé commença à penser qu'il serait forcé de demander à ses divinités un verre d'eau ou autre chose pour l'empêcher de rendre l'âme et de s'évanouir tranquillement sur le terrain sablé. Je désirais vous dire quelque chose que je ne voulais pas dire devant Madame Harding ou Dorothée. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit aux dernières fêtes de Noël sur les donations anonymes jetées dans la caisse des pauvres de Scarsdale? Le marteau cessa de battre tout à coup, et ce subit arrêt parut plus pénible que tous les mouvements désordonnés des dernières 5 minutes. Le curé devint mortellement pâle et un douloureux sentiment de sa faiblesse s'empara de lui. La minute d'après, il redevint lui-même. Quel fou j'étais! Comme s'il pouvait s'occuper de moi ou remarquer mes sentiments, pensait-il dans sa piteuse humiliation. Vous en souvenez-vous? Demanda Marcia. Oui, oui, ah oui, parfaitement. Ces donations ont-elles été continuées depuis? Jusqu'en juillet dernier, oui. Avant juillet, elles étaient très irrégulières. Depuis cette époque, les donations faites dans la boîte ont cessé. Non seulement la semaine dernière, j'ai reçu 50 livres sterling en billets pour les pauvres de Scarsdale, et il est très probable que ce don vient du même bienfaiteur. Je pense que j'ai l'enveloppe dans ma poche. Peut-être voudriez-vous la voir, s'il vous plaît. Le curé chercha ce document. Dire ce qu'il tira de 2 douzaines de papiers différents, une note de blanchissage acquittée, un compte de bottier, une lettre de sa grand-mère, une petite brochure évangélique, etc., etc. Avant de trouver le papier dont il avait besoin, c'est dire qu'il se comporta comme une personne curieuse et extrêmement impressionnable. Il trouva l'enveloppe à la fin et l'attendit à Marcia. Oui, c'était bien son écriture, comme elle l'espérait. Roide et déguisée, mais toujours l'écriture de Godfrey Pierpoint, la seule écriture que rien ne pouvait l'empêcher de reconnaître. L'enveloppe était couverte d'estampilles étrangères, et le timbre était de Vienne. Il n'avait donc pas quitté l'Europe. Il lui semblait qu'à Vienne, il était tout à fait à sa portée. Combien toute sa conduite lui semblait claire maintenant, et combien il était naturel que celui qui avait visité tant de pauvres, écoutait si patiemment l'histoire de leur misère et de leurs besoins, eût été leur bienfaiteur anonyme tout le temps. Trop orgueilleux pour se faire honneur de ses bontés, content de courir le hasard d'être mal jugé par les gens qui profitaient de sa générosité. Marcia rendit l'enveloppe à M. Sillbrook. Je pense que vous devez avoir agi très sagement dans la manière dont vous avez disposé de cet argent, dit-elle, car sans cela votre ami anonyme eût cessé ses dons. Le curé rougit et un faible sourire voltigea sur sa figure inexpressive. Même cette petite louange était une miette de consolation. « J'ai fait de mon mieux, mademoiselle Denison, » répondit-il très humblement. « Je vis beaucoup avec les pauvres de Scarsdale et je connais leurs petits besoins. Je n'ai pas beaucoup de plaisir et je vous assure que la disposition de cet argent a été un très grand plaisir pour moi. Réellement. Alors me permettrez-vous de vous remettre une autre somme de 50 livres sterling pour en disposer de la même manière ?» demanda Marcia, qui sentait en quelque sorte que doubler le don de Pierpoint était une manière de s'associer à sa secrète charité. « Vous êtes trop bonne, mademoiselle Denison, mais en vérité cela n'est pas nécessaire. J'ai encore plus de 20 livres des fonds anonymes entre les mains. Je garde cet argent à part de mes autres fonds et j'ai un petit registre dans lequel j'inscris toutes les dépenses. Peut-être aimeriez-vous avoir ce petit registre. J'ose espérer que beaucoup de bien a été fait, avec la permission de la Providence, à l'aide de cet argent. La famille de David Green a toujours reçu 10 shillings par semaine depuis qu'il garde la chambre. Il commence à sortir un peu maintenant, et je vous assure que lui et les siens sont reconnaissants d'avoir pu traverser leur malheur sans aller à la paroisse. La veuve Maurice a reçu 3 livres 10 shillings pour acheter un cylindre, et elle semble très bien faire ses affaires maintenant. Et ses enfants vont régulièrement à l'école au lieu de travailler au champ, comme ils faisaient avant, pour 6 pence par jour. Marjorie Holmes a eu 5 livres pour avoir des vêtements pour entrer au service, mais seulement comme prêt, et nous espérons que Marjorie nous remboursera aisément par à-compte. Et Susan West, dont vous pouvez peut-être avoir entendu parler quelquefois depuis, mais je ne dois peut-être pas dire cela devant vous. Et cependant, comme ministre chrétien, la malheureuse fille étant, je vous assure, très repentante. Et quoique je n'ai peut-être pas le droit de faire allusion, cependant, au souvenir des saintes paroles qui ont rapport à ceux qui sont sans péché, et que ceux-là seulement ont le droit de jeter la pierre, je me suis décidé à lui amasser un peu d'argent, pour l'envoyer à la plus admirable institution de la capitale, quoiqu'un peu puiséiste, j'ai le regret de le dire, dans ses tendances, où elle pourrait être garde-malade et saisira, je l'espère, l'occasion de se rendre utile. Mais je vous apporterai mon livre la première fois que j'aurai le plaisir de venir vous faire visite, mademoiselle Denison, et quel que soit l'avis que vous ayez la bonté de me donner, je n'ai pas besoin de le dire, je ferai tout pour... Ici, le sujet devenait en quelque sorte personnel, et le curé l'abandonna. Mais Marcia fut très bonne pour lui, et lui promit de lui donner ses meilleurs conseils pour la distribution des dons anonymes, s'il avait parfois besoin de ses avis et de l'aider même s'il en était besoin. Elle accompagna le curé à la petite porte du jardin italien qui donnait dans le parc, et lui donna une poignée de main très cordiale, en lui disant adieu, et elle n'eut pas le plus léger soupçon du trouble de son pauvre et honnête cœur. Elle retourna lentement au salon, car elle avait été heureuse d'échapper aussi longtemps à la société de la veuve. Pendant ce temps, cette ardente personne avait profité de l'occasion et avait soumis la pauvre innocente et petite Dorothée à cette patiente opération qu'on appelle vulgairement « sonder ». Cette chère mademoiselle Denison était-elle toujours aussi heureuse et aussi travailleuse ? Cette chère mademoiselle Denison ne se trouvait-elle pas quelquefois très ennuyée et très solitaire? N'avait-elle pas beaucoup regretté l'ami de son père, M. Pauncefort? M. Pauncefort et mademoiselle Denison n'étaient-ils pas très intimes? Dorothée secoua la tête et faisait continuellement danser les boucles brunes de ses cheveux. Non, mademoiselle Denison n'était jamais ni ennuyée ni solitaire. Elle était toujours occupée soit à dessiner, soit à faire de la musique ou à lire. Oh, à lire surtout, beaucoup à lire. Et Mademoiselle Denison avait peine entendu parler de M. Pauncefort depuis la dernière visite de Mme Harding, et Dorothée était tout à fait sûre qu'elle ne l'avait pas regretté le moins du monde. La veuve devint pensive après avoir reçu ces informations. Elle avait amassé des perles sur le bout de son aiguille pendant qu'elle parlait à Dorothée pour orner une très belle paire de pantoufles destinées à Sir Gaspard. Et elle promenait avec distraction son aiguille au milieu des brillants atomes de verre en songeant à ce qu'elle avait entendu. Si l'intimité entre Godfrey et Martial n'avait fait nul progrès depuis le printemps, était-il vraisemblable qu'il lui confiait les secrets de sa vie? Il était très possible, après tout, que Martial ne sût rien, et dans ce cas, elle n'avait pas le pouvoir de contrecarrer les projets de la veuve. « J'essaierai à n'importe quel prix de savoir si elle sait quelque chose, » pensait la veuve. « Je ne réussirai à rien avec une politique timide, et si j'échoue, j'échouerai. Je ne joue pas un jeu aussi désespéré que Lady Macbeth. » Et elle voulut en courir la chance.